Le soir, au dîner, le baron d'Anvilliers causa précisément de ce projet de budget qui faisait grand bruit. Lui n'approuvait pas toutes les idées de son gendre en matière de finances, mais il le trouvait très large, très remarquable. Pendant qu'il répondait au baron, Nantas, à plusieurs reprises, crut surprendre les yeux de sa femme fixés sur les siens. Souvent, maintenant, elle le regardait ainsi. Ce regard ne s'attendrissait pas, elle l'écoutait simplement et semblait chercher à lire au-delà de son visage. Nantas pensa qu'elle craignait d'avoir été trahie. Aussi fit-il un effort pour paraître d'esprit dégagé. Il causa beaucoup, s'éleva très haut, finit par convaincre son beau-père, qui céda devant sa grande intelligence. Flavie le regardait toujours, et une mollesse à peine sensible avait un instant passé sur sa face. Jusqu'à minuit, Nantas travailla dans son cabinet. Il s'était passionné peu à peu. Plus rien n'existait que cette création, ce mécanisme financier qu'il avait lentement construit, rouage à rouage, au travers d'obstacles sans nombre. Quand la pendule sonna minuit, il leva instinctivement la tête. Un grand silence régnait dans l'hôtel. Tout d'un coup, il se souvint. L'adultère était là, au fond de cette ombre et de ce silence. Mais ce fut pour lui une peine que de quitter son fauteuil. Il posa la plume à regret, fit quelques pas comme pour obéir à une volonté ancienne qu'il ne retrouvait plus. Puis, une chaleur lui empourpra la face, une flamme alluma ses yeux, et il monta à l'appartement de sa femme. Ce soir-là, Flavie avait congédié de bonne heure sa femme de chambre. Elle voulait être seule. Jusqu'à minuit, elle resta dans le petit salon qui précédait sa chambre à coucher. Allongée sur une causeuse, elle avait pris un livre, mais à chaque instant, le livre tombait de ses mains, et elle songeait, les yeux perdus. Son visage s'était encore adouci. Un sourire pâle y passait par moments. Elle se leva en sursaut, en avait frappé. « Qui est là ?»« Ouvrez !» répondit Nantas. Ce fut pour elle une si grande surprise qu'elle ouvrit machinalement. Jamais son mari ne s'était ainsi présenté chez elle. Il entra, bouleversé. La colère l'avait repris en montant. Mademoiselle Chuin, qui le guettait sur le palier, venait de lui murmurer à l'oreille que M. Desfondettes était là depuis 2 heures. Aussi ne montra-t-il aucun ménagement. « Madame, dit-il, un homme est caché dans votre chambre. » Flavie ne répondit pas tout de suite, tellement sa pensée était loin. Enfin, elle comprit. « Vous êtes fou, monsieur, murmura-t-elle. » Mais, sans s'arrêter à discuter, il marchait déjà vers la chambre. Alors, d'un bond, elle se mit devant la porte en criant. « Vous n'entrerez pas. Je suis ici chez moi et je vous défends d'entrer. »